Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM. Je m'appelle André Péloquin et c'est maintenant l'heure de la grande traversée du jeudi Plectrum. Oh oui! Comme d'habitude, un savant mélange de la meilleure musique en ville ainsi que des interventions courtes et ridicules, surtout pour te faire apprécier la musique. On va débuter d'ailleurs dès maintenant avec notre heure francophone lors du premier bloc musical, histoire de débuter avec de la joie et de l'allégresse. On va avoir du heavy, on va aussi avoir du Gwen Wedd, les séquelles, mais avant un tube des Breastfeeders, lequel, ça s'en vient. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre au plectrumcism@hotmail.com. J'ai aussi un site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Vous y trouverez là un résumé des pièces qui ont été jouées aujourd'hui. Si c'est trop de détails à prendre en note en même temps, je vous suggère le cism893.ca. C'est le site de la station de radio, évidemment. Et vous trouverez là plus de détails sur notre programmation, ainsi que des liens pour télécharger les émissions que vous auriez manquées. Et qu'on prend soin de vous. On débute de maintenant avec Funny Funiculaire des Breastfeeders sur La Marge. À tout de suite. Jamais trop tard, faire tous les belles signes qui font une vague. lance des pêches au marteau pour voir s'éclater les noyaux. Elle reste là et elle rit dans ses cheveux des bouts de fruits. Fantastique, mais vrai, mais vous écoutez toujours Plectrum, la grande traversée du jeudi. Je vous en remercie et je m'appelle André Péloquin. On vient de terminer avec Evie, c'était une question qui se pose un peu avant. On avait Gwen Wedd avec le show, c'est tiré de leur album Le Retour du Bleu Métallique. Un peu avant, c'était les séquelles avec Je suis un minet, tiré de l'album Tes chansons cruelles. Et on a débuté avec les Breastfeeders, l'excellente Funny Funiculaire des Matins de Grand Soir, leur tout nouvel album. On va poursuivre dès maintenant avec des pièces un peu plus électro. On va avoir entre autres du Otari avec remixé par DJF. C'est une exclusivité, je crois que ce n'est même pas encore sur MySpace, à quel point c'est exclusif. Merci beaucoup DJF. On va aussi avoir un succès souvenir d'Indochine. On va aussi avoir du Call Me Poupée. Mais avant, on va avoir du Superbus. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des demandes spéciales, des plaintes, peu importe, plectrumcism@hotmail.com, c'est mon courriel. J'ai aussi un site web où est-ce que toutes les pièces qui sont jouées aujourd'hui sont notées. C'est le plectrumcism.blogspot.com. Si vous êtes un fanat, d'appelons ça la scène locale, la scène émergente, la scène underground de ce qui se fait d'alternatif au Québec, je vous suggère mon podcast, ma balado-diffusion si vous préférez, c'est le podmodernisme, podmodernisme.blogspot.com. On débute dès maintenant avec la pièce Sex Baby Sex de Superbus sur CISM. Je voudrais savoir si c'est vrai. Voir quand tu mets en route la lave machine et voir si ça leur plaît. Elle dit de lui que c'est un garçon facile, mais elle ne sait pas regarder. Je crois bien que dans son lit ça défile et je crois que ça lui plaît. Sex, baby, sex. Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours Plectrum, la grande traversée du jeudi, ici même, à CISM 89.3 FM, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal. Lal. On vient de terminer avec Otari, c'était Soutien-Gorge Twist, remixé par notre ami à tous DJ F. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce que fait DJF, myspace.com/DJF. C'est incroyable. Vous allez dans Google et tapez MySpace et DJF et vous serez surpris agréablement. Un peu avant, on avait un classique Indochine avec L'Aventurier. Un peu avant, Call Me Poupée et leur pièce KY, tirée de l'album Western Shanghai. Et on a débuté avec Superbus, c'était la pièce Sex, Baby Sex, tirée de leur album Pop and Gum. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Superbus était à la source de ce hit au très oubliable, merci, le Umchikba, nanananananana, Umchikba, qui était affreusement utilisé souvent dans l'émission de Louis-José Houd à Musique Plus. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs plus hip-hop. On va avoir entre autres du Gatineau, les Robots de la Rime qui sont en concert très bientôt. Je vous en parle de retour après ce bloc musical. On va aussi avoir du Capitaine Barakmar qui, histoire de continuer dans la thématique d'aujourd'hui, va nous parler des vertus de MySpace. Et mais avant, on va débuter dès maintenant avec un mashup d'une pièce de LCD Sound System avec du Diams. C'est de DJ Sabwax. C'est la pièce Diams Playing at My House. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, plectrumcism@hotmail.com, c'est mon courriel. CISM893.ca, c'est le site de la station de radio. Ou encore plectrumcism.blogspot.com, c'est mon blog slash mon site web d'émission. On débute dès maintenant avec de la bastard pop gracieuseté de Sebwax. Oui! Avec mon mec, j'ai pas peur perdre dans des prises de tête. Pourquoi tu m'observes? Pourquoi tu me regardes? Tu veux mon mec ou quoi? Je te mets en garde. On touche pas ça, on baisse les yeux. T'as cru t'avais du style dans ton pot de pêche bleu. Mes meufs, j'ai le même, on a toutes le même. Car on va toutes se ruiner chez H&M. Je sais que je suis pas une bombe platine, ni que je suis pas une blonde platine. Je sais que tu veux pas que je dégratine, tu galères, ben viens, je te présente le DJ derrière les platines. Je sais que je suis pas une bombe platine, ni une blonde platine, DJ. Je sais que je suis pas une bombe platine, ni une blonde platine, DJ. Laisse-moi vivre la rêve avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on prenne la tête. Quitte, j'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la rêve avec ce jet. Laisse-moi kiffer la rêve avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on prenne la tête. Quitte, j'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la rêve avec ce jet. Son de fou. Pourquoi tu fais genre, je te vois venir avec tes belles jambes, tu crois tout permis, mais baisse les yeux. Trouve-toi un autre mec que c'est mieux, laisse tomber le mien, sérieux. Rien que tu ris, rien que tu teases, rien que tu te prends pour Alicia Keys. Y'a trop de coquines, trop de balles copines, de stars qui se la pètent entre copines. Trop de minettes qui veulent se faire remarquer, trop de fillettes qui font les belles à peine débarquer. Moi, je suis pas une bombe latine, une bombe latine, DJ. Je suis pas une bombe latine, une bombe latine, DJ. Laisse-moi vivre la rêve avec mon mec. Donc s'il te plaît, connais ni mon histoire ni mes problèmes. Cherche-moi un motard ou un mec au pain. T'es pas le mannequin, j'imagine déjà la tête que tu dois avoir le matin. Donc reste sage, ne me teste pas. C'est moi qui fais la vibe, ne me stresse pas. Tu fais la meuf in, mais nous on le sait. T'as bon plutôt style, c'est au Beyoncé. J'suis pas une bombe latine, mais moi le DJ passe mon film, il sur ses platines. J'suis pas une bombe latine, une bombe platine, DJ. J'suis pas une bombe latine, une bombe platine, DJ. Tu vas voir, y'a trop de monde pour tes shows, c'est bien commode. C'est pas dur de rentrer, pas de physio à l'entrée. Ça s'appelle MySpace, ça veut dire mon espace. Y'a des gens mon espèce, c'est là-bas que ça se passe. Si t'as un groupe de musique, de rock ou de breakbeat, mets-le sur internet, tu pourras te faire connaître. Et si t'as rien, eh bah tu mets rien. Tu racontes toutes tes fêtes et tu fais ton top 8. Tu fais des freins de request, c'est mieux qu'un laser quest. Cherche un gros flow et un gros dard. Un mec bien chaud et un vrai bâtard. C'est le Captain Brakmar, avec moi on se tape des bars. On fait la fête tard, espèce de tétard. Sois pas en retard, rate pas l'open bar. Fais bien ton crevard, sois un vrai braquemar. Arrête de te la péter dans MySpace. Je t'ai vu en vrai, t'es moche comme mes fesses. Arrête de te la péter dans MySpace. Je t'ai vu en vrai, t'es moche comme mes fesses. Tu veux faire partie de ma bande de copains. Mets la main en l'air et montre-moi tes seins. Tu dis t'es une meuf bien, mais moi je vois une catin. Tu t'es pris pour une bombe, j'irai rapper sur ta tombe. Tu parles pas à n'importe qui, mais dans ta friends list, t'as la vache qui rit. T'es pas à la hauteur, t'as pas assez d'ampleur. Tu kiffes le rap ricain, même si t'y comprends rien. Tu fais la belle avec tes photos de travers. Vas-y avec ta sale gueule, putain tu me vénères. Ta salle de bain, avec tes sales copines. Avec ton sale gros cul, t'es qu'une sale morue. Tu mérites même pas un coup de pin, tu me fais de la peine. J'ai juste envie de te vanner sans aucune pitié. De lâcher des rimes pourries. En deux-deux, je te kick, humilié sur le beat. Arrête de te la péter dans MySpace. Je t'ai vu en vrai, t'es moche comme mes fesses. Arrête de te la péter dans MySpace. Je t'ai vu en vrai, t'es moche comme mes fesses. Voilà, avec ta mèche de PD, remballe-moi ça et ton groupe de kéké. Ton coiffeur, c'est un teinturier. Ton chauffeur, c'est un voiturier. Avec ton faux look et tes vieilles Reebok. Ton style vintage, mais nique ta mère. T'as tout ton pêche sur les sapes à ton père. Et ta fausse musique, tes faux sons merdiques. On les a déjà entendus partout. Et les seules meufs que tu niques, on les a déjà niqués partout. Tu te maquilles les yeux, même les PD ils font mieux. Ils font pas pitié eux. S'il te plaît, quand t'arrives au centième étage, oublie pas de jeter ta guitare avant de prendre le large. T'es pas un super héros, tu ferais pas une semaine à la Starac. Eh mec, tu prêtais en direct la tête en vrac. Arrête de te la péter dans MySpace. Je t'ai vu en vrai, t'es moche comme mes fesses. Arrête de te la péter dans MySpace. Je t'ai vu en vrai, t'es moche comme mes fesses. Arrête de te la péter dans MySpace. Je t'ai vu en vrai, t'es moche comme mes fesses. Arrête de te la péter dans MySpace. Je t'ai vu en vrai, t'es moche comme mes fesses. Let's do it. se joignent à notre équipe. On est dans votre équipe, on est dans votre équipe. Que tous ceux qui trouvent que trop plastique se transforment en robots. On veut être des robots, on veut être des robots. Que tous ceux qui trouvent que trop plastique se joignent à notre équipe. On est dans votre équipe, on est dans votre équipe. Que tous ceux qui trouvent que trop plastique se transforment en robots. On veut être des robots, on veut être des robots. Se joignent à notre équipe. On est dans votre équipe, on est dans votre équipe. Que tous ceux qui trouvent que trop de plastique se transforment en robots. On veut être des robots, on veut être des robots. Que tous ceux qui trouvent que trop de plastique se joignent à notre équipe. On est dans votre équipe, on est dans votre équipe. Que tous ceux qui trouvent que trop de plastique se transforment en robots. On veut être des robots, on veut être des robots. Hey yo, hey yo, enflammons le robot. Plastic lover, bitch, l'eau sale comme un plastic rubber. Sur toutes les bouches comme un glow stick, un mastic, c'est fantastique, cover. Passe pas seulement avec couverture de source, comme une vitamine, il faut ta dose, comme le soleil à l'ombre, caressant la rose. Un dynamo, le king, Chris Cross, du cosmos, mort. Bon pour ta santé, sans plaisanter, du moins qu'à trois pour tes os. What, what? Papa d'aérosol, pratique, c'est ta peau, une bonne code, estime en ton signe, j'en fais ma son normale. Que tous ceux qui trouvent que trop de plastique se joignent à notre équipe. On est dans votre équipe, on est dans votre équipe. Que tous ceux qui trouvent que trop de plastique se transforment en robots. On veut être des robots. Nos actions dirigées pour. Je vais essayer de comprendre en faisant une coupe de plomb. En composant une chanson salée, seul dans mon salon. Sans like en premier lieu, l'amour vient second qu'avant. C'est une question d'attachement. Selon certains, j'en attendais, j'ai de sortir de l'Ugand. Mandez-moi, si je reste cru. Ça connaît ma flatille, je suis pas une recrue. À nous t'envers, j'ai le gros yo que j'ai vu des vues. Fait que ça tente d'enjourner, que tu peux trop pour dépourvu. Rien qu'à qu'on sait que ça marche pas dès le début. On reste quand même ensemble, une question de cul. Qu'est-ce qu'on crée ensemble? Yeah, c'est quoi le but? Pas convaincu que toute la coupe est bue. De rupture à réunion, à rupture, ça reste tendu. Continue l'abus, la bombe est pour but. Pour but, l'union réarrange et nous arrange tant qu'on se marche. Et ça se pas plus longtemps qu'un peu de poids qui prend garde. On l'a rappelé un osco qu'on est venu. Une envie de replonger dans l'inconnu. On savait pas quoi des snaps qu'il y a dans la rue. En espoir de raconter l'amour voulu. On veut vivre le grand amour sans inconvénient du titre. À ce temps, sans faux, c'est une attente d'assiste. C'est fini, c'est à des belles promesses écrites. On est passé des mariages d'amour en deux acolytes. Une tradition des conflits qui s'effritent, puis qui périclite. Le pays, c'est qu'on partage même du même lit. Au stock, non, personne n'y arrive. Et pour ce prispédacle, deux appartements, des limites. Les deux amants, la relation propre. Les sourcils, les soucis, c'est pas récit. On s'excite en poursuit, ça lance sur l'ellipse, en orbite. Et tu sens l'amour de l'internaute de son. À la part des filles, j'y rencontre en même discours. Tu peux éviter l'idée, t'as dit moi, je te dois rien. Ben, reste ami, si tu veux, moi, je t'en fais rien. Tant qu'à l'est, c'est assez long qu'on t'entretient rien. J'ai bien que tu prennes des pics, t'es de où je viens. Si ça te fait bien. Quand t'auras toute la liberté, tu voudras tant que tu me reviens. je m'en estime. D'une coupe de détours que je pense être des raccourcis. Mais c'est perdu dans des relations qui ont jamais abouti. En me remettant que c'était à peu près 100 fois aussi. Aujourd'hui, j'entends plus grand chose de personne. J'suis pas misanthrope, même si c'est même ça sonne. Ça fait une somme qui m'amène à conclusion. Qui fait qu'à ce temps, c'est même j'résonne les unions. Que ça donne? Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours Plectrum, la grande traversée du jeudi en ma compagnie, André Péloquin. On vient de terminer avec Love Song Number 2 de Gatineau, c'est tiré de leur maxi Sur ton visage. Un peu avant, on avait Les robots de la rime, avec la pièce Plastique, c'est tiré de leur maxi Attente à balles. Les robots de la rime qui seront en concert ce samedi au Club Soda avec les Nuls Découverts, l'Assemblée, Papaz et Grand Marquis. Allez-y en grand nombre, c'est un concert bénéfice pour la SOPREF. Yeah! Un peu avant, on avait du Capitaine Braquemart avec Arrête de te la péter dans MySpace. Bien sûr, Capitaine Braquemart est lui aussi sur MySpace. Faites un peu de recherche pour trouver d'autres pièces de ce gringalet. Et on a débuté avec Seb Wax avec son remix. C'était Diams Playing at My House, bien sûr, un acapella de Diams sur une instrumentale de LCD Sound System. On va terminer dès maintenant avec des pièces un petit peu plus pop. On va avoir du Pierre Lapointe, on va aussi avoir du Malajube. Si on a le temps, on va aussi vous jouer du Arcade Fire et une reprise de Serge Gainsbourg par Sambassadeur. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous le rappelle, plectrumcism@hotmail.com, c'est mon courriel, plectrumcism.blogspot.com, c'est un petit peu plus complexe là, c'est mon site web, cism893.ca, c'est le site web de la radio, et podmodernisme.blogspot.com, c'est mon podcast. Oui, on va débuter dès maintenant avec deux par deux rassemblés de Pierre Lapointe. Ça, ce que je vous fais en ce moment, c'est mon interprétation même de Pierre Lapointe. C'est comme ça qu'il sonne dans ma tête, même si c'est pas vrai. C'est le fun, hein? Que poussière demain, malgré la grandeur des refrains, et malgré l'arme qu'il a à la main. Tout ce qui tombe redescend, celui qui tombe se relèvera. Si aujourd'hui je pleure dans tes bras, demain je repartirai au combat. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Disloqué n'est pas objet qui pense qu'à briller, mais plutôt tout geste de vérité. Ben nous donnerons nos armes en offrande à Notre-Dame pour ces quelques pécheurs sans âme, en échange des ornements de nos larmes. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Thank you.